Vous êtes toujours à l'écoute du Radioton 2023 de CKRL 89.1 et on rentre dans l'heure des prescriptions culturelles. Raymond Poirier avec vous, des prescriptions culturelles qui prendront l'allure de rencontres au fil de la prochaine heure, rencontres entre la bande dessinée et d'autres disciplines qui sont bien présentes ici sur les ondes du 89.1 CKRL avec des animateurs et animatrices que vous connaissez. En deuxième demi-heure, on ira voir le lien, les ponts entre la bande dessinée et le sport avec Dominique Girard de l'Avant-Match. Et pour la première demi-heure, eh bien, on va plonger dans l'univers des sciences en bande dessinée et on va le faire avec Valérie Levé de l'émission Futur Simple. Et avant de commencer officiellement l'émission, on m'a donné un petit papier jaune avec un chiffre dessus. C'est écrit 28 595 $. Alors ben voilà où en est le Radioton, donc la levée de fonds pour aujourd'hui, dans le fond pour ce matin. Donc c'est notre chiffre de début de journée. Alors évidemment, on vous encourage tout au long de la matinée, tout au long de la journée, à participer, à être généreux. Il fait pas très beau, venez faire un tour ici à la station. Si par hasard vous faites une marche, il y a plein de swag de CKRL qui est en vente. Sinon, ben écoutez-nous en ligne, faites des dons en ligne. Il y a des boutiques en ligne également et il y a l'encan. Alors profitez-en. Alors, ben évidemment, je parlais de prescription BD, donc j'ai décidé de m'adjoindre un collègue, un animateur, un ancien animateur de CKRL, qui est libraire chez Pantoute et qui chronique régulièrement depuis 12 ans avec moi déjà. Déjà 12 ans, ça fait longtemps. Marco Duchesne, bonjour. Salut. Et je me tourne maintenant vers Valérie Levé, à qui je dis officiellement bonjour, Valérie. Bonjour, Raymond. Alors, je le disais, on va parler de science et de bande dessinée. C'est un peu dans la logique des prescriptions culturelles. Et ça m'a amené un peu, c'est confrontant des fois comme sujet, on dit science et BD, à quel moment on arrête de mettre en scène la science et on commence, dans le fond, à vulgariser, à expliquer la science. Parce qu'au bout du compte, toi, Futur Simple, Valérie, c'est ce que tu fais, tu vulgarises la science, tu discutes avec des chercheurs, mais pour la rendre compréhensible pour l'auditeur, l'auditrice lambda, donc pour monsieur, madame, tout le monde. La BD sert un peu à ça, mais j'ai envie de lancer une controverse avant de se lancer sur des prescriptions comme telles. Je veux dire, à quel moment on considère justement qu'on fait le truchement? Est-ce que Jules Verne, est-ce que c'est de la vulgarisation scientifique à un certain niveau? Et pour la BD, ben, Hergé, on a marché sur la Lune. Est-ce que c'est aussi, on pourrait dire, un premier album de vulgarisation scientifique où il y a des éléments suffisamment scientifiques que ça devient une brèche, une porte ouverte pour comprendre ou s'intéresser à la science? En fait, quand tu m'as appelé pour l'émission, j'ai un peu douté de moi. Donc, je vais y aller un peu avec... là où ça reste... Personnellement, je crois que la vulgarisation scientifique et la BD vont très bien ensemble. Ça donne un accès au lecteur, à différents médiums, à différents médiums pour se renseigner de ce qui se passe, parce que la science, c'est vraiment ce qui fait en sorte qu'on peut parfois s'intéresser à quelque chose, mais aussi porter un jugement sur quelque chose, se l'approprier. Dieu sait que maintenant on connaît maintenant l'étendue des complots et des complotistes qui, tu sais, ne vérifient absolument rien. Donc, pour moi, la vulgarisation scientifique est essentielle. Si on veut pousser plus loin, c'est la porte d'entrée. La BD, je trouve ça génial que on expliquait hors d'onde un moment donné en discutant qu'il y a une quinzaine d'années, la BD documentaire, reportage, la BD biographique a émergé et s'est approprié des faits scientifiques et les a vulgarisés. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Dans mon cas, là où s'arrête la vulgarisation et tout, effectivement, pour moi, dans l'univers de l'œuvre que je lis, pour moi, ça reste un fait scientifique. J'ai pas à le prouver, j'ai juste à le vivre. Tintin, on a marché sur la Lune et Objectif Lune. Et mon préféré était Objectif Lune, contrairement à tout le monde qui aimait On a marché sur la Lune. C'était la préparation de tout ça. Cette fusée qu'on a construite, que Tournesol explique, et que, tu sais, dans l'espace, elle va virer pour atterrir. Déjà, moi, à mon temps, c'était quelque chose que je savais que c'était vérifié que, bon, ça marcherait pas tout à fait comme ça. Parce que il a atterri sur la Lune. Tintin était là 10 ans, c'est 56. Et on a marché sur la Lune, c'était 69. Ouais. Donc, il a quand même réussi à atterrir avant Armstrong, là. Donc, pour moi, au niveau de la fiction, Je pense que pour moi, ça s'arrête là, mais n'empêche que si on veut aller plus loin, effectivement, là, ça donne le goût. Ben moi, j'ai envie d'ajouter autre chose. Moi, je suis pas, c'est marrant, je me suis sentie un petit peu mal à l'aise au début parce que je suis pas une amatrice de BD. Mais je trouve que la BD est vraiment un support extraordinaire pour transmettre toutes sortes d'idées. J'aime beaucoup les mariages, tout ce qui est interdisciplinaire. Donc pour moi, la BD, de mettre en image la science, je me dis, ben, d'une part, on va aller peut-être chercher d'autres publics. Mais surtout, je vois autre chose qui permet d'aller plus loin parce que je fais un parallèle avec les caricatures, les caricaturistes qui utilisent l'image pour transmettre un message social ou politique. Et je vois la force de l'image, de la caricature, qui permet, avec une image, d'exprimer un message beaucoup plus facilement et rapidement qu'un texte. Et je pense qu'en science, l'image a le même pouvoir. Je pense que les BDistes scientifiques ont aussi ce pouvoir, avec une image, de transmettre un concept ou une idée scientifique qui prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes à écrire. Et le donc Valérie pour ça, Levé. J'aime vraiment ça, la BD scientifique, même si moi-même, je suis pas une fan de BD. Et Valérie Levé, là, si on fait une démarche scientifique, dans le fond, t'amènes l'hypothèse que les auteurs BD ont ce pouvoir, ont cette capacité-là. Alors, on peut vérifier cette hypothèse-là. Faisons la démarche adéquatement. Alors, il y a un auteur de vulgarisateur scientifique qui est à l'écoute actuellement, Martin PM, qu'on connaît, entre autres, pour son travail de vulgarisation. Ben, en fait, sur ses travaux de vulgarisation, je pense tout azimut, c'est celui qui est le plus actif en province là-dessus. Il est avec nous au bout du fil. Martin, bon matin. Oui, bonjour tout le monde. Alors ce que Valérie avance, en fond, sur le pouvoir de l'image, sur le pouvoir qu'on a comme auteur BD de pouvoir expliquer simplement des faits complexes avec, justement, ces outils-là, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi et que tu as l'impression, justement, que c'est une force particulière qu'aurait la bande dessinée? Oui, ben je pense que c'est vraiment... Je cite une collègue française, là, Héloïse Chauchois, qui est une jeune autrice, qui a fait plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique, qui dit que la bande dessinée, c'est les effets... On peut faire les effets spéciaux les moins coûteux, les plus abordables. C'est-à-dire que avec une personne, avec un crayon, il y a beaucoup de versatilité au médium, puis on peut beaucoup, effectivement, travailler sur les images, les figures de style, les métaphores. On peut reconstituer des scènes. On pense à des bandes dessinées qui peut-être mélangent histoire et science un peu comme la bombe. Ou est-ce que reconstituer tout ce qu'il y a dans cette BD-là qui est monstrueuse, très volumineuse, en cinéma, par exemple, avec qu'est-ce que ça impliquerait comme décor, test de bombe atomique et compagnie, ça serait compliqué, ça serait lourd, on y serait peut-être pas arrivé, mais la bande dessinée permet ça assez facilement, puis de venir marquer aussi, je trouve, les esprits avec des images fortes. Là. Moi-même, souvent, je pense aussi à Marion Montaigne. Là. Des fois, il y a des sujets ou des termes dont je me rappelle en premier lieu de la blague ou de la figure de style qu'elle a amenée, puis grâce à ça, je me souviens ensuite de l'explication plus sérieuse et factuelle. Oui, puis dans une dynamique où j'ai l'impression que cet intérêt-là est de plus en plus partagé par même des laboratoires directement. Je veux dire, tu as commencé, Martin, à faire des résidences de création chez des laboratoires de recherche. Je pense que tu viens de sortir d'un processus avec une équipe de recherche en santé bucco-dentaire. Oui, effectivement. D'ailleurs, je pense qu'on a... Ça finissait, je pense, en fin de semaine. On avait une expo à Québec, à la Lune Quasi, qui montrait quelques planches. Oui, j'ai fait un 2 ans avec un autre collègue auteur aussi, Daniel E, au réseau de recherche en santé bucco-dentaire et osseuse du Québec. Donc, c'est pas super sexy, prime abord, comme nom ou comme thème. Mais c'est un groupe de recherche qui a été assez innovateur, qui a dit, hey, on vous invite chez nous, venez visiter nos laboratoires, les chercheurs, puis on vous laisse une liberté de création. Faites-nous des courtes bandes dessinées de 5 à 12 planches sur un peu les sujets, les angles que vous voulez. Donc, ils ont fait confiance à la démarche artistique pour venir aborder avec un point de vue extérieur leurs travaux. Puis ça a été vraiment le fun à faire comme artiste. Puis je pense que ça va quand même donner des bandes dessinées aussi qui sont le fun. Parce que peut-être que, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez au début, c'est des fois qu'on va parler de bandes dessinées scientifiques ou documentaires ou même biographiques. Moi, j'ai l'impression qu'on a en tête beaucoup des trucs très didactiques qui vont être un peu plates, puis peut-être les trucs un peu classiques qu'on voyait il y a peut-être plusieurs années, voire quelques décennies. Alors que là, on a beaucoup d'ouvrages qui sont beaucoup plus dans la mise en récit, puis quelque chose qui est plus intéressant, puis qui n'est pas juste comme un livre scolaire, là. Puis moi, c'est ça que j'essaie de dépasser aussi dans mes créations. Oui, puis ça reste toujours le défi, d'une certaine façon, tu le dis, de rendre intéressant aussi des sujets qui peuvent paraître un peu arides au départ, là, tu sais, sans santé osseuse, dentaire, je veux dire, c'est pas... Déjà, ça m'apparaît pas évident, donc ça devient, j'imagine, un mandat à double défi, parce que d'un côté, toi, comme vulgarisateur, t'as à t'approprier une thématique pour être capable de la communiquer. Toi, comme artiste, t'as à trouver une façon intéressante de mettre en scène cet élément-là, et tu dois réussir à faire une jonction entre les deux pour que tu passes pas comme tu deviennes pas d'abord un vulgarisateur puis ensuite un créateur BD. Ouais, c'est toujours des bons défis. Moi, ça m'avait beaucoup motivé, ce projet-là, parce que justement, Trémabord, c'est pas le sujet le plus... il n'y a pas grand monde qui aime ça aller chez le dentiste. Là. Puis d'ailleurs, j'en ai fait une bande dessinée d'introduction au projet, là, comme quoi, tu sais, je connais personne qui aime ça. Donc, c'est un bon défi d'aborder ça. Puis comment l'aborder, sous quel angle, et quel sujet, puis de se mettre dans la peau du lecteur ou de la lectrice lambda, puis tu sais, d'aller les chercher puis les accrocher avec des choses puis des préoccupations... qui les interpelle, c'est ça le défi. Puis il y en a, ça va passer par l'humour, puis moi c'est souvent un mécanisme que je vais utiliser, mais ça, c'est pas nécessairement ça non plus, c'est dans de la mise en récit sur des situations vécues, des exemples. Je pense à une collection de BD comme Sociorama en France qui fait plus en sciences sociales, puis tu sais, par des mises en récit fictives, mais en collaboration avec des chercheurs, chercheuses en sociologie, tu sais, ils viennent nous interpeller. Là. Il y avait une BD sur les conditions de travail plus précaires dans certains emplois, comme dans les grandes surfaces. C'est vraiment une mise en récit 100% fictive d'une mère monoparentale qui devient caissière dans un hypermarché. Puis bon, je ne vous raconterai pas toute l'histoire, mais c'est vraiment, on lit une histoire, mais tout ça est basé quand même sur des recherches et sur des données en sociologie. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, c'est ça le défi. C'est la mise en récit, puis rendu agréable à lire. Puis je pense que c'est pour ça que Tintin, par exemple, c'est un exemple peut-être à un extrême du spectre, parce que là, on n'est pas dans un documentaire, mais on est vraiment dans un récit qui est prenant, mais à travers lequel, tu sais, Hergé, il a fait des recherches documentaires là, pour ses BD, là, on le sait. Là. Donc, ce que je ne sais pas si c'est toi, Raymond, qui le disais, mais tu sais, c'est un peu une porte ouverte. Après, peut-être que les gens vont aller lire des trucs plus sérieux, en guillemets, pour approfondir le sujet, mais c'est une belle porte d'entrée. Il y a aussi l'aspect chez Hergé scientifique, mais il arrive à pousser plus loin. Moi, un de mes préférés, et qui a toujours été un de mes préférés de chez Tintin, c'est l'affaire Tournesol, où Tournesol invente cette machine, cette invention de son cru qui est récupérée comme une arme. Et là, on a tout l'aspect moral de la science, je dirais, de les inventions et tout. Alors, ça aussi, c'est poussé toujours un peu plus loin chez Hergé, même avec On a marché sur la Lune, l'aspect de la fusée et l'espionnage qu'il y a à l'intérieur de cette... Enfin... J'avais envie de rebondir, de te poser une question, Martin. Je me demandais si les BDistes qui font de la science comme ça ont nécessairement un profil scientifique historiquement. Je pense que toi, t'as étudié en science à l'origine. Et je me demande si c'est toujours le cas pour les BDistes, parce que j'ai aussi une réflexion... l'exemple d'un physicien en France, Julien Bobroff, qui vulgarise, qui est physicien, mais qui a fait appel à des designers pour faire de la communication scientifique, et ces designers n'ont aucun profil scientifique. Et il trouve que finalement, ça fait une super interaction, parce que ces designers qui n'ont pas un profil scientifique apportent vraiment une autre façon de voir la physique. Et ouais, je me demande si, dans le cas de la BD, est-ce que les BDistes devaient nécessairement avoir une formation scientifique ou non? Non, je pense pas. Puis même, moi, je suis membre de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec. Puis même chez les journalistes scientifiques, n'ont pas nécessairement, il y en a qui en ont une, mais ils n'ont pas nécessairement un profil à la base scientifique. Je pense juste à Charles Duterre. Je pense qu'à la base, il y a une formation en droit, si je ne me trompe pas. Puis en tant que scientifique, si moi j'ai étudié en biologie, j'ai fait de la recherche en biologie quelques années. Au départ, on n'a pas nécessairement le bon réflexe en communication, parce qu'on apprend à communiquer en scientifique d'une certaine manière qui n'est pas très intéressante pour le grand public. Donc quand on commence à faire de la vulgarisation, souvent on a les mauvais réflexes, puis on a de la misère à se déprogrammer, puis à amener un regard plus de vulgarisateur ou même d'artistes. Donc, les deux profils peuvent être intéressants. C'est certain que moi, quand je travaille sur des sujets plus en écologie ou en environnement, j'ai déjà une base. Donc, des fois, dans les collaborations, ça peut être plus fluide dès le départ, puis ça peut aller plus rapidement, parce qu'il y a des choses que je comprends. Mais après, j'ai des collaborations, des fois, sur des sujets que je ne comprends pas du tout. Ben, que je comprends pas, que je ne connais pas du tout à la base, souvent en sciences sociales. Puis là, ça amène une autre chose. Je le vois dans ma pratique. Là, je me sens vraiment plus avec un regard externe. Je me sens plus comme mes lecteurs, peut-être. Donc, je pense que les deux profils peuvent être intéressants. Oui, je pense aussi. Je pense que ça multiplie encore le pouvoir de l'interface, de l'interdisciplinarité. Ouais. Autant, bon, c'est une autre discipline, mais en plus, quand on est soi-même pas connaissant du sujet, on est à la place du public et je pense que ça peut apporter un plus qui est encore un plus. Martin PM, merci beaucoup d'être venu faire un tour à l'émission au fil de ton dimanche matin. Et on se retrouve visiblement soit du côté de Futur Simple ou soit de La Vie en BD dans un futur rapproché. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Bonne suite d'émission. Merci. Alors, c'était Martin PM, donc on vous l'avez compris, donc un auteur BD, vulgarisateur scientifique également. Et ben, en fait, l'émission s'appelle quand même Prescription culturelle. Valérie Levé, je pense que tu es venue ici en disant ben, qu'on allait t'en suggérer quelques albums dédiés aux sciences. Je te laisse penser au tien. J'ai deux titres de mon côté que je tenais à te proposer. En fait, évidemment, Martin a un peu dévulgagé mon troisième titre, alors je ne le ferai pas. J'assume que tu as déjà lu La Bombe, de toute façon, de Denis Rodier, J.F. Bollé et Didier Alcante. Non, je ne l'ai pas lu. Ah, ben dans ce cas-là, il faut que tu la lises, ça c'est clair. C'est, dans le fond, l'histoire de tout ce qui a amené à la bombe atomique comme telle. Donc, évidemment, dans le fond, on va dans le politique, on va dans l'historique, mais on fait aussi l'histoire de la recherche scientifique sur l'uranium. Parce qu'au bout du compte, si on était capable, à un moment donné, de tuer des gens avec une bombe atomique, c'est parce que la science en est arrivée jusqu'à un certain point où on était capable de le faire. On avait harponné, maîtrisé, harnaché l'uranium comme tel. Et donc, cette BD-là va faire cette histoire-là, mais en intégrant les dimension politique, dans le fond, pourquoi on a poursuivi la recherche, pourquoi on a instrumentalisé la recherche, c'est quoi, quoi la réaction des chercheurs aussi, c'est quoi les avancées majeures, l'espionnage et le reste. Donc, sur 500 pages, c'est une brique énorme. Et c'est hyper documenté. Les auteurs ont passé 5 ans à travailler là-dessus. Les passages ont été validés par des scientifiques pour les passages scientifiques. Ce qui se passe au Japon a été validé par des gens qui s'intéressent à l'histoire du Japon, qui sont au Japon. Donc, il y a une grosse démarche aussi de vulgarisation là-dessus. Est-ce que ça évoque l'épisode à Montréal? La totale, fait. C'est techniquement tout y est, tous les éléments du projet. Je pense qu'à l'Université McGill, ils ont contribué également à ce développement-là. Et puis, c'est moins su dans l'histoire, on le connaît moins, mais... Et ça serait ma première suggestion. Et la deuxième, peut-être, et ensuite, Marco, je te laisserai avec les tiennes. En fait, ma deuxième et la troisième. Ma deuxième, on parlait de du Monde sans fin, de Jean-Marc Iacovici, avant les ondes, et Christophe Blain. Et si on veut aller vers d'autres démarches du genre qui allient, dans le fond, un expert scientifique et... un auteur BD. Eh bien, en 2016, il y avait Mathieu Burniat qui avait travaillé avec Thibaut Damour pour vulgariser le quantique. On en parle beaucoup actuellement. Et donc, il y a 7 ans, mais il y avait déjà des gens qui s'affairaient à le vulgariser et à le comprendre. Et lui a choisi de transformer sa vulgarisation dans une aventure à l'intérieur d'univers parallèles. Donc, pour vraiment essayer de bien ancrer, dans le fond, les enjeux, les réalités de ce monde physique-là. Et c'est vraiment très fort. Ah ben là, je suis curieuse de voir ça. Je connaissais Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici, mais là, je connais pas. Là, ça m'intrigue vraiment, ça. Cette histoire du monde quantique, d'une aventure dans le monde quantique, ça m'intrigue. Alors, ça le titre exact, donc, c'est Le mystère du monde quantique, donc, de Thibaut Damour et Mathieu Burniat. Moi, j'irais avec un cartooniste américain du début du 20e siècle qui s'appelle Rube Goldberg. Rube Goldberg faisait du cartoonisme, c'est-à-dire un dessin. Humoristique et puis peut-être moins dans son cas. Alors, ce dessin, Rube Goldberg, construisait des machines qui, tu sais ce qu'on voit sur YouTube, une bille fait tomber un domino, fait lever un truc. Lui, il les dessinait. Et il les dessinait au rythme de un par semaine dans un journal ou les journaux, parce qu'il faisait partie des syndicats. Et il les dessinait et en a fait beaucoup pendant des années. Et à un moment donné, aux États-Unis, au milieu des années 50, peut-être jusqu'à aujourd'hui, il existe je ne sais pas si elle existe encore, mais il existait une association du Goldberg Machine Project où les gens reproduisaient à partir des dessins. Ah oui, ok, d'accord. Ils reproduisaient la machine à partir des dessins. Oui, mais si tu vas sur YouTube, probablement, si tu tapes ça, tu vas voir des gens qui ne font peut-être pas les machines de Goldberg, mais qui font un tas d'expériences, d'expérimentations avec ce genre de choses-là. Au niveau scientifique, je ne sais pas ce que ça donne, mais quand même, ça donne vraiment une espèce de... Mais c'est, Goldberg... que ça devient ludique en même temps. Si. Oui, alors Goldberg, elle faisait comme le blueprint de tout ça. Oui, puis en fait, je trouve que ça devient intéressant, ce type d'éléments-là, dans un contexte où, en recherche, on multiplie les concours de création de machines, de ci, de ça, robots souterrains, robots autonomes, etc. Et dans le fond, ben, au bout du compte, la science, c'est aussi l'appétit de la création, l'appétit de l'expérimentation. Voilà. Et si le monde ludique devient une porte d'entrée pour ça, ben pourquoi pas aussi. Surtout qu'effectivement, ça a fait école, les machines Goldberg, là, c'est partout. Et peut-être un petit dernier pour la route avant d'aller vers la pause. Si t'as envie de t'immerger dans l'expérience d'une expédition scientifique en Antarctique, alors t'as La Lune est blanche d'Emmanuel Lepage, où justement Lepage, donc Saint-Aigle, avec un métissage de photos et d'images. Ça reste aussi très intéressant, et ça nous ramène au troisième titre un peu, qui fait un alliage, j'ai l'impression, entre le journalisme documentaire et le journalisme scientifique, où on vulgarise, mais une expérience comme telle, une expérience de recherche. Donc là, on se retrouve un peu dans des documentaires, la National Geographic, qui nous présente l'expédition scientifique comme un récit d'aventure, d'une certaine façon. Donc, comme quoi, c'est des beaux univers. Il faudrait quasiment se donner une heure pour en jaser et explorer ça convenablement. On reste de toi l'année prochaine ou dans un spécial entre nos deux émissions. Oui. Ça sera intéressant. D'ici là, Valérie Levé, merci d'avoir participé. Merci de m'avoir invité. Et Marco, tu restes avec moi. Au retour de la pause, on va jaser de sport, mais S-P-O-R-T et pas S-P-O-R-E. CKRL 89.1, 50 ans de radio communautaire. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, les cinémas Le Clap, leader en matière de diffusion cinématographique de qualité à Québec. Spécialisé dans la présentation d'œuvres marquantes, les cinémas Le Clap offrent à sa clientèle toutes les grandes productions de l'heure, qu'elles soient québécoises, américaines ou internationales. L'action ne manque pas au cinéma Le Clap Sainte-Foy et de Loretteville. Surveillez les nouveautés, les classiques et les films québécois. Présentement à l'affiche. Beau is Afraid, Big George Foreman, La Bonne Société, David contre Goliath, Dieu tu es là, c'est moi Margaret, Dounia et la princesse d'Alep, Parador, Fragile, Les Gardiens de la Galaxie volume 3, L'Opéra de la Terreur, Renaissance, Vie, Polite Society, Showing Up et Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Consultez la programmation en cours sur leclap.ca. Bon cinéma! Écoute-moi, écoute-moi. Ici Paul André et Lou-Adrienne Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz fusion et du funk en programme double. Alain Caron, géant québécois de la basse entouré de 8 musiciens, présente un projet musical inédit où le groove est à l'honneur. Mark Lettery, guitariste virtuose, défend son plus récent album nommé pour un Grammy. Le 5 mai, Alain Caron et Mark Lettery Group en exclusivité au Palais Montcalm. Détails au palaismontcalm.ca. Là encore, se poursuit bien sûr à ckrl.qc.ca avec tous les lots, la centaine de lots qui s'offrent à vous. Les mises sont acceptées jusqu'à aujourd'hui, 20h. Et avec Loli tout au long de la journée, comme hier, nous allons vous détailler justement certains et passer à travers de tous les lots au fil de la journée. Et là, c'est plutôt l'occasion de parler de bande dessinée, n'est-ce pas ? Parle dans le micro. Oui. Un lot de bande dessinée, en l'occurrence celui des comics à l'américaine. Exactement. Et alors là aussi, on parle de bande dessinée. C'est un peu le spécialiste du sujet, Raymond, qui est avec nous pendant cette émission. C'est toi qui as fait le choix des lots, finalement. En fait, il y a certains lots qui sont un peu des fonds de tiroir ou des fonds d'éléments, justement, qu'on a le plaisir de recevoir, de lire, de parcourir. Et entre autres, ben, on reçoit beaucoup d'intégrales, si on peut dire. Évidemment, le défi, c'est de trouver des premiers tomes parce qu'on veut pas que les gens démarrent avec des tomes 6. Alors, oui. On propose donc des tomes 1 et ce lot-là, ben, on va dans des univers Harley Quinn et Suicide Squad, dans Outcast, qui est la nouvelle série de Robert Kirkman, donc, qui avait développé en parallèle à Walking Dead. Sinon, Bitch Planet, Annette de Kelly Sue DeConnick et Valentino de Leandro, un récit très féministe, afro-punk post-apocalyptique, donc c'est assez spécial. Monstre également, donc si on va du côté du Japon, et Triton, donc une série un peu plus humoristique, donc c'est assez varié, des univers assez variés, évidemment pour une fraction du prix que vous auriez là, si vous les achetiez en librairie, et au pire ça fait des beaux cadeaux. Exactement, c'est le lot numéro 14 pour le découvrir, ckrl.qc.ca. On change d'univers complètement et Valérie Levet reste avec nous aussi. J'en appelle à vos souvenirs peut-être d'enfants. On va commencer comme ça. Est-ce que vous connaissez cette musique là? Non, pas du tout. Rien. Très bien. On n'a pas eu la même enfance. Ok, celui-là. Oh, quand même. Imaginez, on approche le temps. On te déçoit ce matin, je pense. Bah, je sens voyons, la déception. Voyons. Je vais être obligé de miser sur un lot. Ok. Là, on est en 2002. Alors, on va prendre un thème cette fois-ci dans le milieu des années 80. Ça me dit vaguement quelque chose, mais sincèrement. Je suis pas très bonne. Hein. Eh, le ciné cadeau. Eh ben oui, le ciné cadeau. Et justement, Louli, tu peux nous parler de ce lot numéro 10 qui concerne le ciné cadeau, naturellement. Absolument. En fait, c'est un lot avec doudou, hoodie et tuque. C'est des articles qui sont vendus nulle part ailleurs. Donc, la seule façon d'avoir des articles avec le nom de Télé-Québec sans mitoufler, le lot numéro 10. Très bien. Ce lot qui est d'une valeur de 85$. Et qui pour le moment est à mise, la mise actuelle est de 60$, donc c'est encore un bon deal. Lot numéro 10, à l'encan CKRL, ckrl.qc.ca. On se reprend dans une couple de secondes pour parler d'autres lots. Bonjour, ici Julie, votre députée de Beauport-Limoilou. CKRL, c'est un véritable bijou pour notre communauté. Un bijou de culture et d'informations critiques importantes pour vos oreilles, pour votre esprit. CKRL mérite notre soutien à tous. Ça nous permet de découvrir et de redécouvrir les talents d'ici et d'ailleurs, tant francophones que de toute autre langue. Laissez votre esprit naviguer au rythme et au son de CKRL, la radio d'ici. Salut, c'est Hubert Tremblay, enraciné à CKRL depuis 1973. CKRL est en plein radioton. C'est le temps de faire vos dons ou bien de devenir membre. Soyez donc généreux. Du 15 au 18 juin, rendez-vous à Tadoussac pour la 39e édition du Festival de la chanson présenté par Québecor. De Ariane Roy à Vulgaire Machin, en passant par les Sœurs Boulay ou Gab Bouchard, tu trouveras ton bonheur dans la programmation. Laisse la magie de Tadoussac s'emparer de toi et viens profiter du seul festival où tu peux écouter des baleines la journée et des concerts le soir. Billets et passeports sur chansontadoussac.com. On se voit où? On se voit à Tadou. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Et puisque le thème ce matin, c'est la bande dessinée, justement, poursuit de parcourir les lots de l'encan CKRL avec des lots de bande dessinée. Louli, Raymond, on va revenir sur cette sélection cette fois-ci, si mes notes sont les bonnes. Un lot de BD d'univers très varié, c'est ça Raymond? Exactement, d'univers très varié, un peu des sorties récentes et des titres absolument superbes d'ailleurs. On pense à Calfboy tome 2, dans le fond, qui est une parodie du genre western, c'est du côté de Rémi Farnas à la pastèque. Noir burlesque tome 1, donc de Marigny, évidemment, on est dans le roman, dans les univers noirs. Félix et la maison qui marchait la nuit de Sophie Bédard, ça, La ville brûle. C'est l'album d'ailleurs qui a gagné le prix Yvette Lapointe de la meilleure bande dessinée jeunesse de l'année. Ça a été mis en nomination à Angoulême. Un récit jeunesse, mais sur la tristesse, sur les grosses tristesses qu'on peut avoir, donc c'est superbe aussi, un dessin très très simple, 3 heures de Manuel Nesseyani chez ça et là, où là on est dans une expérience d'immigration, donc quelqu'un qui reste pogné littéralement à l'aéroport parce qu'il n'a pas les bons papiers, parce qu'il vient pas du bon pays, malheureusement, et qui est pas capable finalement de faire son voyage, et il nous raconte 3 heures sur à peu près 200 pages, La part merveilleuse aussi de Rupert et Mulot, donc vraiment des univers variés, et encore là, des beaux, des belles petites pépites de lecture là, qu'on peut faire ou qu'on peut partager. Ce lot-là, c'est le lot numéro 16, valeur 155$, la mise actuelle est de 95$, ça fait à peu de choses près, hein, 40% de rabais, c'est une belle aubaine. Et puis aussi un autre lot finalement, c'est celui-ci, Parcours parcours de vie, c'est le thème de ce lot-là? Oui, c'est le lien que je trouvais. En fait, on est entre des romans illustrés et des bandes dessinées comme telles. Donc, c'est des trucs qui vont nous amener un regard poétique sur l'existence, qui vont raconter des parcours dans des médiums croisés entre la photo et le dessin, qui vont nous amener un peu dans un cadre un peu poétique, si on peut dire, entre des tout petits albums et des trucs quand même un peu plus volumineux. Donc, j'énumère les titres rapidement. Lorem Ipsum Dolor de Rémi Lascaux, une étoile tranquille, le portrait de Primo Levi de Piero Scarnera. Ici, ou ailleurs de Guy Delisle et Jean Echenoz. Palacinthe, histoire d'une exilée de Catherine Sanson et Alessandro Tota. Polaroid de Séverine Vidal et Julien Castagnier. Bérénice de Catherine Trudeau et Cyril Doineau. Ou Ma vie de Réac de Morgane Navarro. Voilà pour la liste complète. Un lot, celui-ci le numéro 15, valeur de 210$ et la mise actuelle est de 155$. Rendez-vous à ckrl.qc.ca pour miser ou alors par téléphone aussi toute la journée. 88 640 2575. Bonne chance. Et la suite de l'émission avec Raymond, bien sûr, et tes invités. Je vois le capitaine Haddock sur un chandail qui crie très fort derrière. Voilà, vous n'avez pas l'image, c'est dommage. En tout cas, bonne suite d'émission, Raymond. Ici Pulsar Trio, c'est le Radioton et réel. Donnez généreusement parce qu'ils font vivre la musique locale. Oh yeah! Le 9e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, un rendez-vous pour les arts vivants du 15 au 21 mai 2023. Au programme, concerts, installations sonores dans l'espace public, films expérimentaux et arts visuels. Pour tous les détails sur le 39e FIMAV et pour acheter des billets, visitez le fimav.qc.ca. Bienvenue. Welcome. Vous êtes arrivé à temps et vous aviez les moyens de vous acheter votre billet pour l'espace extérieur avant que tout s'achève. Voilà, c'est la fin du monde. Il n'y a pas de raison d'être triste. Grâce aux avancées scientifiques, nous pourrons éradiquer la mort, nous cloner et tenter de changer notre destin. Destino. On décolle illico, asseyez-vous confortablement. Ça va décoiffer. Les chroniques de Peter Sanchidrian, un texte de Rosé Padilla, dans une mise en scène de Nancy Bernier. Une production des finissantes et finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec, en collaboration avec les étudiants en composition du Conservatoire de musique de Québec. En salle du 9 au 13 mai, pour plus d'informations ou pour acheter vos billets, consultez le conservatoire.gouv.qc.ca. Cette journée du Radioton de CKRL vous est présentée par la Caisse de Limoilou et Première Ovation. Vous êtes un artiste ou une artiste de la relève de Québec ou de Wendake? Première Ovation peut vous soutenir en vous donnant les moyens de créer et de vivre vos premières expériences professionnelles. Plusieurs programmes d'aide sont offerts dans 13 disciplines artistiques. Art littéraire, art multi, art numérique, art visuel, médiatique et métiers d'art, cinéma, cirque, danse, design, musique, patrimoine et théâtre. Tous les détails au premièreovation.com. Toujours écoute du Radioton de CKRL édition 2023 et on est toujours dans ces prescriptions culturelles qui décidément ont pris l'allure de prescription BD. Raymond Poirier toujours avec vous, toujours en compagnie de Marco Duchesne, libraire émérite, entre autres chez Pantoute et collaborateur régulier à La Vie en BD. Et j'aime bien en fait le concept de ces rencontres-là parce qu'au bout du compte, on voit, et ça nous force à creuser en fait sur comment la bande dessinée va à la rencontre d'autres univers. Et entre autres, je trouve qu'il y en a un qui est quand même de plus en plus faste ou qui l'a toujours été un petit peu, c'est l'univers du sport. Dominique Girard, animateur de la mi-temps ici à CKRL, est avec nous. Bonjour Dominique. Hey, bon matin Raymond, puis merci beaucoup de l'invitation, c'est super gentil de ta part. Ben, ça me fait plaisir et en fait, on dirait que j'aime bien lire sur le sport. Des fois, j'en lis plus que j'en pratique à l'occasion, mais à coup le pas là-dessus. Bienvenue dans le club. Mais je trouve intéressant parce que d'un côté, des fois, je me disais, en préparant un peu ça, ben, il n'y a pas tant de choses. Je regardais un peu des BD sur le hockey, par exemple. Je me disais, il n'y en a pas des tonnes. Chez Glénat Québec, il y a eu un recueil sur le hockey. Il y a eu la série des Canadiens de Mont-Royal, donc une série humoristique qui a été faite par HD, entre autres, qui est éditée en France sous le nom des Hockeyeurs. Mais sinon, on dirait que c'est pas un sport qui a inspiré du tout dans un contexte où, pourtant, un des premiers grands succès de la bande dessinée québécoise en 1975, c'était On a volé la Coupe Stanley. Donc, il y avait été imprimé à peu près, 25 000 exemplaires à l'époque, ce qui était énorme, je veux dire, à 3-5 000 actuellement, c'est un best-seller, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, quand on commence à creuser, on se rend compte qu'à minima, il y a au moins une à des centaines de BD selon les sports auxquels on s'intéresse, du surf à l'alpinisme, du soccer à la boxe, il y en a quand même beaucoup. Mais à travers tout ça, et là je regarde un peu Marco, j'ai l'impression qu'on a un peu deux types de BD là-dedans, ou deux et demi si on peut dire. D'un côté, les BD qui sont vraiment sur le sport lui-même, donc qui mettent en scène le sport, qui nous présentent, l'ajoute et l'emphase est mise sur l'expérience sportive à proprement parler. En parallèle, t'as ceux qui plutôt vont utiliser le sport comme ambiance, comme univers. Donc, on se retrouve à l'intérieur d'une sculpture sportive. Et il y a ceux qui vont faire un peu entre les deux, mais nécessairement, ça nous ramène un peu à l'arrière-fond. Dans le fond, on nous présente un univers sportif, on nous présente un récit qui s'intègre dans cet univers-là. Et évidemment, pour garnir un peu l'ambiance, ben on va nous amener un peu dans l'univers du sport par sa représentation comme telle. Oui, effectivement, en fait, pour ma part, je suis celui qui adore, mais adore ne pas faire de sport. Je suis un grand spécialiste du triathlon, sofa, lit et frigo. Donc, pour moi, le sport apparaît dans ce que je consomme comme fiction. Okay. Télé, cinéma et bande dessinée. J'adore le football américain. Alors, regarder le sport, ça me va. Je suis un fan de football américain. Un sportif de salon, comme on dit. Ouais, c'est ça. et surtout un gérant d'estrade. Et pour moi, j'ai longtemps suivi le football américain. Et en BD, un de mes préférés est évidemment Astérix chez les Bretons, avec le fameux match de rugby qui, moi, me fait rire, mais profondément à chaque fois. Ouais. Et il y a aussi les combats de boxe avec le combat des chefs, les fameux Jeux olympiques, où là, je trouve que Goscinny, qui est merveilleusement un très grand scénariste, nous arrive déjà avec l'histoire du dopage, avec Astérix et les Olympiques, avec la potion magique et pas de potion magique. Et c'était fait en film, en plus. C'était fait en film dernièrement. Ouais. Michael Schumacher, du temps qu'il était encore en pleine santé, apparaît dans le film avec une Ferrari modifiée de... En tout cas, bref. Mais oui, effectivement. Mais Raymond, je reviens sur ce que tu as dit en entrée d'émission. Je suis déçu, moi, qu'il n'y ait pas de bande dessinée sur le hockey. On parlait que c'est notre sport national. Je ne comprends pas pourquoi. Tu sais, des livres sur le hockey, on peut en trouver, là, des biographies. Il y en a des tonnes. J'en parle dans mon émission pratiquement chaque année. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de bande dessinée sur le hockey. C'est une question... on en discutait aussi hors d'onde à un moment donné. C'est une question de... Je crois que les bandes dessinées sur le sport, sur le hockey entre autres, ont émergé au fin des années 60, 70, 80 peut-être. Là. Okay. Mais rapidement fait dans les recherches d'identité nationale d'ailleurs, où la bande dessinée contribuait un peu mais à ça. À cette époque-là, éditeur, auteur était... se baladait dans entre qu'est-ce qui est possible d'éditer, de rapporter, de trucs. Et c'est les années 70-80 BD québécoises, c'était il y avait du talent. Il y avait des auteurs, c'était édité mais très peu, mais la ligne éditoriale des éditions était moins définie, par contre et c'était même en Europe là. La BD sur le sport a émergé avec, comme je racontais pour les sciences, a émergé avec, il y a une quinzaine d'années, avec tout ce qui est documentaire, biographique, reportage. Et là, on l'a vu émerger pas rien qu'en sciences, en social, et les sports y ont été, là. Oh, absolument. Là, on a vu émerger ce genre de choses-là. Alors, Maintenant, la BD québécoise a beaucoup évolué et s'est diversifiée et il y a beaucoup d'éditeurs qui commencent à prendre des risques, qui continuent à prendre des risques et que là, ce sera peut-être possible de voir émerger ça. Ben, peut-être qu'ils vont pouvoir aller chercher aussi, peut-être même si on connaît toutes les histoires. Tu parles des années 70, Marco, les Jean Béliveau, les Maurice Richard, même si on les connaît, même si on connaît leur histoire, si on a fait des films, exemple, pourquoi pas ne faire une bande dessinée sur en fait, la série du siècle en 1972? C'est ça que j'allais dire. Oui. Parce que la majorité des... la majorité. Il y a une grande partie des BD sur le sport que... Parfois, j'aime lire, c'est des biographies d'événements historiques qui se sont passés. J'avais beaucoup apprécié ce fameux match de soccer allemand contre juif dans un camp, je pense. Là, je me rappelle plus des dates ni des noms. Là, oui, je pense savoir de quoi tu parles. Il y a eu un match de soccer où on a forcé des prisonniers à jouer contre les Allemands. T'sais, ce genre de choses-là, biographique sur le coureur noir qui avait gagné aux Olympiques à Berlin et tout. Là. Moi, ce genre de choses-là m'intéresse. Récemment, il y a eu quelques biographies sur Ali. Oui, entre autres, le match du siècle aussi. Le combat du siècle. Ouais. Et ça, alors, moi, pour moi, tu vois, ça, ce genre de choses-là. Et l'émergence de ce que je parlais, moi, ce que j'attends, c'est vraiment ça. Parce que c'est plus... En fait, si je vais avec mon deux cents sur la question du hockey, par exemple, dans le fond, j'ai l'impression que quand un sport est pas nécessairement associé à un marché très fort, je veux dire, on sort un livre sur le soccer ou sur la boxe, mais ça a une résonance assez large. C'est mondial. Dans le marché, c'est mondial. C'est mondial. Il y a des mangas qui en font là-dessus, il y a des comics qui en font là-dessus, donc c'est des sports avec une forte résonance. Le hockey, malheureusement, à part au Québec et dans une certaine proportion au Canada, mais ça n'a pas nécessairement la même résonance dans l'espace francophone européen, dans l'espace américain. Le marché est plus petit et à ça, dans le fond, j'ajouterais peut-être qu'un peu l'imaginaire culturel associé au hockey est peut-être un peu moins fort comme arrière-plan. Je pense parce que le surf, par exemple, le ping-pong a ses BD, le surf a ses BD. In Waves de A.J. Dungo, par exemple, qui est une bande dessinée qui met en scène le surf, mais qui nous amène avec le surf comme décor d'un récit, d'une histoire d'amour assez tragique, extrêmement riche. C'est magnifique, d'ailleurs, comme album. Si t'as envie de voir des représentations du surf en BD, c'est un bon exemple parce que des séquences, évidemment, où on surfe, où on essaie de nous transmettre un peu l'énergie qu'on a quand on se retrouve sur la vague et le reste. L'ambiance et tout ça, mais un peu comme les films les films de plage, les films de surf et la culture surf des années fin 60, début 70, ben c'est porteur de quelque chose de fort d'un point de vue imaginaire. Dans le fond, si je te fais écouter du Dick Dale, si je te montre une photo ou un dessin de quelqu'un qui est sur une vague, t'as nécessairement un relan culturel, t'as nécessairement un relan d'ambiance que tu vas ressentir quand tu vas à Venice Beach en Californie si tu vas pas à Muscle Beach. Il reste. Donc, ça devient un arrière-plan qui est très, très riche parce que c'est un référent culturel aussi qui a été porté par le cinéma, par la culture populaire. Et donc, le fait pour Dungo de choisir le surf comme arrière-plan, ben nécessairement, dans le fond, l'ambiance est claire dès le départ pour le jour 1. C'est quoi le vibe, si on me permet l'anglicisme, des personnages? Pour le hockey, peut-être qu'on l'a un peu moins en dehors, justement, des territoires. C'est vrai, on n'a pas mis, je comprends ce que tu veux dire, on n'a pas mis de garniture, si on veut. Tu sais, tu parles d'ambiance, puis c'est vrai, là, j'imagine tout ça, tu sais, le sport qui est le surf, le décor, la musique, les gens alentour, le hockey. Puis, je reprends ce que tu viens de dire aussi, c'est vrai que la boxe et le soccer vont être très mondiales. On peut aller n'importe où à travers le monde, alors que le hockey, malheureusement, je comprends, là, c'est qu'il est trop nord-américain et à la limite pays scandinaves, la Suède, la Norvège, la Finlande. Il commence à avoir du hockey ailleurs, au Japon, ainsi de suite, mais je comprends, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu autant de... Oui, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns, mais ça se limite beaucoup à, au bout du compte, des séries humoristiques, dans le fond, des séries à gag. Donc, un peu comme si on manquait un de confiance peut-être aussi dans l'électorat de s'intéresser plus largement à des BD documentaires ou autres, mais pourtant parce qu'on parlait par exemple de trucs qui sont improbables à la lutte professionnelle, je veux dire Bugs Brown a sorti deux biographies autour de l'univers de la lutte professionnelle, si t'aimes le genre d'ailleurs, faut que tu les lises, André le Géant et Andy Kaufman. Oui. Andy Kaufman, évidemment, on est dans la biographie de l'humoriste, mais la lutte a tellement pris de place, et Bugs Brown, qui est visiblement un amateur de lutte, dans le fond, il va vraiment avec une analyse scénaristique, dans le fond, des rôles, de la lutte, de l'athléticisme, de la lutte, de l'aspect raconter une histoire. Dans André le Géant, là, on est plus dans les coulisses et dans la mythologie de la lutte, en fait, parce que André Jean est devenu une figure mythifiée. Dans le fond, on ne sait plus c'est qui le vrai André. Il a tellement été inventé, c'est devenu une image, une icône, au-delà de ça. Mais encore là, on est dans un sujet qui résonne largement. Mais d'un autre côté, il faut, j'imagine, que les auteurs qui s'y intéressent décident de faire le saut, décident de faire le pas, au-delà d'intégrer le hockey dans leur récit. C'est comme, par exemple, dans Motel Galactique, on clone, dans le fond, différents... On est dans le futur, on clone différents personnages. On a cloné Elvis, entre autres, et on a cloné Patrick Roy. Évidemment qu'on a renommé pour que la façon de dire son nom soit représentative de la façon de l'écrire. Donc, c'est désormais Patrick, espace E, Roy, donc le Patrick Roy. Mais dans le fond, lui, on l'intègre un peu là-dedans. Donc, on sent que, tu sais, je veux dire, les auteurs BD d'ici aiment le hockey, mais on dirait qu'ils n'ont pas encore fait le saut pour vraiment faire un récit complet qui serait adapté pour le marché nord-américain. Quoi qu'il y ait eu quelques essais des Européens qui sont fascinés par nous de temps en temps en BD, et le hockey aussi. Je parle de ce numéro des Casseurs, je me rappelle plus le numéro, qui se passe à Montréal et pendant un match canadien-nordique. Les Casseurs étaient une série de personnages qui conduisaient des camions, des autos. C'était surtout des trucs de poursuite, c'était des trucs de chars. Et là, ça se passe à Montréal et à cette époque-là, évidemment, là, ça se passe en plein canadien nordique. Ça dure pas tout l'album, mais il y a à un moment donné, les Européens ont toujours été l'exotisme un peu là. Et quand ils débarquent, ils voient des trucs puis ils en montrent un peu dans leur BD. Hein. Oui, puis c'est pas pour dire qu'il y a pas non plus de BD sur le sport comme tel, ou que le sport peut pas inspirer des albums. Si on y va, parce qu'il nous reste quelques minutes seulement, avec peut-être des suggestions en cavalcade. C'était passé un peu l'an dernier, alors ça se peut que je me répète dans une ou deux suggestions, c'est additionnel, mais on parlait même du sport comme mise en scène. On n'a pas tout abordé non plus, mais la notion qu'à travers le dessin, ça reste un défi de bien représenter le sport. Je pense qu'il faut le mentionner, dans le fond, parce qu'il y a une vitesse, il y a une vélocité, il y a une structure des matchs, et un peu comme c'est difficile, à mon sens, de montrer un bon match de boxe ou un bon match de soccer ou de hockey au cinéma, c'est la même chose en bande dessinée, mais en plus où il faut suggérer le mouvement, où il faut suggérer le rythme, et il y a une nécessité, dans le fond, de créativité à l'intérieur des cases. Et il y a un roman qui s'appelle Mécanique Céleste, en fait une BD, qui le fait, mais avec le dodgeball, dans le futur, dans la science-fiction, où là, justement, on se retrouve vraiment avec des auteurs, en fait Merwan, qui a réussi à rendre la dynamique du match comme tel, mais là, il se donne 100 pages pour raconter, la BD, c'est le match de dodgeball. Évidemment, il y a des enjeux. On est dans de la science-fiction où le dodgeball est un peu le haut lieu, si on peut dire, le haut match pour résoudre les grands conflits. Mais on réussit à nous rendre ce mouvement-là. Ou, à l'inverse, si on se rapporte au Québec, dans le fond, il y a une BD sur le Tour de France, mais faite de façon amateur, donc des cyclistes. Je pense que c'est la route des Grandes Alpes, chez Alaska, où on a un type qui est prof de maths, qui est cycliste à 16 heures, qui le fait pour le plaisir, qui a été faire ce trip-là, et qui nous rend l'ambiance du sport et le défi, justement, par toute la narration autour de l'épreuve. Donc, oui, on le voit faire l'épreuve, faire le tour des Grandes Alpes, des principaux monts du Tour de France, mais on le voit à l'hôtel après, dans son chalet, on le voit sur le parcours, on sent, et nous narre beaucoup l'expérience de douleur. Et donc, c'est un peu comme ça. Donc, si la BD est un peu statique, le côté témoignage est très fort pour nous faire comprendre le défi sportif à proprement parler. Je trouve que cette BD-là l'exprime très bien aussi. Marco, une petite suggestion pour la route de ton côté? Moi, je reste avec les deux que j'ai mentionnés, c'est-à-dire le match de la mort. Ça s'appelait comme ça, je pense, la BD qui raconte comment les nazis dans un camp ont décidé de se payer les juifs en match de soccer. Et pour moi, ça a été pas tellement pour le soccer, mais aussi ce sport avec... effectivement, les aspects moraux de certains et les Jeux olympiques, quand je disais Goscinny, moi, c'est, quand on est petit, on a du fun à lire l'histoire et tout. Et Uderzo, dans le mouvement, ce que tu racontais, dans le mouvement, Uderzo était aussi un sacré maître dans la façon de raconter et de voir les sports. Donc, les Olympiques pour l'aspect moral et tout. Et peut-être quelques biographies. Ça, c'est facile à trouver maintenant, les biographies de sportifs. Il suffit de voir. Il y en a plein. J'irais pour l'axe. pour les Tours de France. Il a fait des albums sur les anciens champions de Tours de France qui sont magnifiques. Moi, j'en ai juste une édition de l'homme, Pierre, Guy Lafleur et nous. Pierre Gens, excellent. Je vous invite à aller... On peut lire autre chose que de la BD. Ah, absolument, absolument, absolument, absolument. Autre chose. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'il faudrait poursuivre la discussion. Je le disais tantôt, Dominique, ouais, pour Futur Simple, même chose avec la mi-temps. Dominique Gérard, merci beaucoup d'être passé. Ouais, merci, Raymond, puis... Si tu veux, pour moi, l'année prochaine, je suis là. Il n'y a aucun problème, mon cher. Et Marco Duchesne, merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. Bon Radioton. Et c'était Raymond Poirier au micro. On vous souhaite une bonne suite de Radioton en vous invitant évidemment à être généreux en ce dimanche. Merci beaucoup et restez à l'écoute pour la suite de la journée. Pourquoi faire aujourd'hui si tu pourrais faire demain? Pour la saison prochaine, les concerts pop de l'Orchestre Symphonique de Québec se donnent des heures de studios californiens, des cabarets new-yorkais. Ils seront tapissés de paillettes. Ils auront du beat. Lisa Leblanc sera Shaky Disco. Webster et ses 8 artistes invités célèbrent 40 ans de hip-hop québécois. Transportez-vous au cœur des comédies musicales de Broadway. Célébrez le 7e art avec Hollywood 7.